Il y a Lady Gaga, écoutez dans le pays, c'est Energy avec Bradley Cooper, et puis on sait meilleur de Mickaël, le Rico Choco et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energy, c'est mercredi. Vous êtes sur Energy, c'est Cédric. Bonjour tout le monde. Un petit peu plus de 4h. On est mercredi. J'espère que toi bien. On est le 14 novembre. On va écouter Orelsan. Demain, jeudi, là, il y aura de nouveaux titres à écouter d'Orelsan. Ce sera dispo sur energy.fr. On mettra tout ça. Promis, Orelsan dans la playlist Energy avec Paradis. On écoute aussi Calvin Harris, Snake et puis on sait le meilleur de Mickaël. 23h le soir en direct sur Energy. Et là, c'est le best-of de l'émission. On va jouer maintenant au jeu du Qui suis-je? Dany et Seb sont avec nous. Dany, 28 ans à Montfaucon-Montigny dans le 49. Très bien. C'est bien ça. Alors, on va jouer au jeu du qui suis-je. En face de toi, Seb, qui est avec nous à Bordeaux. Bonsoir, Seb. Salut tout le monde. Salut l'équipe. Salut, hello. Salut à toi. Alors, Seb, nous allons jouer au jeu du qui suis-je immédiatement. Et pour ce faire, nous allons d'abord, bonsoir. Comme Dany est sur la ligne 1 et Seb sur la ligne 2, bonsoir. Commencer par toi, Dany. Tu veux jouer avec qui, Polo, toi, Famina ou moi-même? Oh bah avec toi, tiens. Ah, très bon choix, Dany. Seb, tu veux jouer avec qui, Seb? Donc il reste Polo, toi et Amina. Allez, on va choisir Amina. Ah, très très mauvais choix. Elle, non, c'est un très bon choix. Merdato. C'est ça, c'est le merdato. Le vomito, ouais, c'est ça. Non, ouais, vomito, c'est avec toi. Ouais, ouais, c'est merdato. C'est ça. Classico, Polo, Amina. Merdato, moi et Amina. Vomito, Toff et Amina. Très bien. Bon, eh bien, parfait. Seb, tu peux donc choisir si tu veux commencer ou si c'est Dany et moi qui commençons. Non, on va choisir les perdants en premier, allez-y, commencez. Oui, bah tu peux démarrer alors, Seb. Allez hop, Seb, je te mets de côté. Dany, j'ai tiré au sort un bout de papier. Il y a un mot sur ce bout de papier. Ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, ça peut être un. Bref, ça peut être quelqu'un, un homme politique, ça peut être un objet. Donc pose les bonnes questions afin de ne pas perdre de temps. Seb, le conseil est valable pour toi également, même si je préfère récupérer ce soir. Donc, t'as bien compris, Dany ? Un fion. C'est bon. Ta gueule. Tu poses donc toutes les questions que tu veux. Moi, je ne peux répondre que par oui, non ou peut-être. Sois juste logique. D'accord. D'accord ? Mauvaise chance, Amina. D'accord. Ah, très bien. Allez, c'est parti, on y va. Voici donc le mot à découvrir que je ne donnerai évidemment pas à l'antenne tout de suite. Fais voir. Ah, c'est un peu. Franchement, tu fais voir, tu vois rien. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Maintenant, j'ai vu, c'est bon. Bon, allez, Dany, une minute. Sois bon et réfléchis bien. Top. On va essayer, on va essayer. Est-ce que le mot est une personne vivante ? Oui. Est-ce que c'est une personne célèbre ? Oui. Est-ce que c'est une personne sportive ? Non. Est-ce que c'est une personne qui fait de la musique ? Non. Dans la politique ? Non plus. Enchaîne. Est-ce que c'est un acteur ? Oui. Est-ce que c'est un acteur américain ? Non. Un acteur français ? Oui. Une femme ? Non ! Propose ! Un garçon ? J'ai pas d'idée là. Mais si ! Oh là là ! Est-ce que c'est un acteur qui est aussi comique ? Oui ! Danny Boone ? Non ! Gad Elmaleh ? Non ! Jamel Debbouze par exemple ? Non ! J'ai pas d'idée. J'ai montré sur Facebook la réponse là. Oh là. Bien fait ! C'était Jean Dujardin ! Ah putain, merde. Ah bah tu l'avais. Putain, en plus là, comment t'as réussi à faire le ménage hop là sur les acteurs et tout, c'était top. Il restait 30 secondes là. Putain, chier. Bien fait. Bon, et ben voilà, Dany, dans le cul, hein. Merde. Bon, espérons que Seb se vautre. Façon de parler. Hein. Allez hop. Bon, Amina, ramène tes fesses. Oui, j'arrive. Voilà. On y va, une minute également. C'est parti. Tirage au sort. C'est bon. Voilà, parfait. Quel est le mot ? Le mot est donc. Oh là là, ça. Bon, montre. Franchement, c'est comme par hasard en plus. Hop. Ah oui, pardon, c'est vrai. Bon. Seb, une minute, top. T'es prêt ? Vas-y. Alors, est-ce que c'est un personnage ? Non. Non. Est-ce que c'est une chose ? Oui. Un objet ? Oui. Bon, est-ce que c'est dans une maison ? Oui. Est-ce que c'est dans une pièce spéciale de la maison ? Non. Non, c'est dans n'importe quoi. Oui. Oui. Est-ce que c'est une chaise ? Est-ce que c'est non. Est-ce que c'est une armoire ? Est-ce non. que c'est une glace ? Non. Est-ce que c'est une est-ce que c'est un lit ? Est-ce non. que c'est est-ce que c'est un objet que toi tu te sers ? Oui. Est-ce que c'est un objet pour que se servent les femmes ? Non. Est-ce que c'est un objet que se servent les hommes ? Oui. Oui. Les enfants peut-être ? Oui. Est-ce que c'est un jouet ? Est-ce que non. c'est un jeu de société ? Non. Est-ce que c'est une télévision ? Non. Est-ce que c'est une console de jeu ? Non. Est-ce que c'est un ballon ? Est-ce non. que c'est est-ce que c'est et voilà, c'est j'avais perdu. J'avais espoir. C'était une bouteille. Une bouteille, et oui. Un galère. Bon, Dany, c'est sûr que c'était ça. Genre allez dégage. Ah non, mais attends, c'est vrai hein. Quoi qu'il en soit, ça nous fait un match nul hein, ni victoire ni défaite, c'est malheureux mais c'est comme ça. Tant pis. On remettra le couvert la semaine prochaine. Salut David, salut Dany, salut Zeb. Salut Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no sound.

Parce qu'il y a... Bah, en fait, il rentrait d'une autre soirée, celui de l'anniversaire surprise. Et il y en a un qui a tapé par sa voiture. Donc, bah, son beau-frère, il s'est énervé. Et puis, bah, c'est parti de là. Puis après, on a croisé des gens sur la route. Et puis, bah, en fait, tout le monde s'est ramené. On était 40 bah, devant chez moi, en train de se bagarrer, quoi. Ah oui. Oui, effectivement. Bah, c'est bien. Non, et écoute, bah, oui, effectivement, ça mérite d'être raté. Hein. Du coup, après, bah, ils ont appelé les flics quoi, pour calmer tout ça, parce qu'on était bien 60-70 personnes. Bourré, bien potes, sûr. Bah, moi, je me souviens plus de rien parce que j'étais complètement torché. Ah, moi, ça va. Oui, tout s'explique. Évidemment. C'est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Exactement. Et puis bah après les flics ils sont arrivés avec la canine et tout ça, ils nous ont lâché la canine dessus et la balle. Bah voilà, c'était pour raconter ça. Écoute, c'est gentil à toi. Tu nous rappelles quand tu veux, Kenny, à bientôt. À bientôt. Salut à toi. Claude est avec nous à Nancy. Bonsoir Claude. Ouais, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ah bah ça va. Bon, on travaille, mais ça va. Et bah tu travailles, tu fais quoi? Chauffeur routier. Et nous on fait quoi? On s'amuse? Ah bah oui. Bah oui, on s'amuse, après on travaille aussi hein, l'absolu, mais effectivement oui, on se marre un peu plus ouais. On parle d'un travail. Bon Claude, okay. C'est vrai que tu ne mériterais pas d'être payé Amina pour ce travail. Fou. C'est une occupation, un loisir lucratif. Oui. Bon, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, Claude, alors, toi, t'as déjà assisté ou est-ce que tu as déjà vécu hein, enfin, ton propre anniversaire foiré, raté, tout ce que tu veux. Ah, c'est l'anniversaire de ma femme. Ah. Pour ses 20 ans, j'ai décidé d'inviter tous ses amis, enfin, des pseudo-amis, on va dire. Ouais. J'ai agité pour 2000 euros la soirée en comptant les cadeaux. D'accord. Du coup, bon, bah, en milieu de soirée, il y en a un qui a prétexté une excuse à mal de ventre, il a oublié son traitement, il est parti. Les autres participent au cadeau, j'ai jamais vu la participation. Ah ouais, ok, ouais. À minuit, on présente le gâteau d'anniversaire, donc ma femme n'a même pas pu voir le gâteau d'anniversaire, les décorations que la boulangère a pu faire. C'était une catastrophe. Franchement, une catastrophe, elle a regretté son anniversaire au plus haut. Oh la pauvre, mais à cause de quoi? Pourquoi tout est parti en couille? Ben, c'est des amis, on va dire, qui étaient dans le monde de l'équitation. Oui. Je vais offrir une selle western. Donc, ouais. Des objets, donc c'était de la jalousie. Alors que. Attends, parce qu'il y a un truc important. C'est quoi la différence entre la selle classique et la selle western? J'en sais rien. Forme. Ah, tu l'as acheté. Toi, tu l'as acheté comme ça au hasard. Il y en a qui sont exprès pour le western, il y en a d'autres, c'est du dressage. T'as plusieurs selles possibles et imaginables, quoi. D'accord, oui, il y en a plein, d'accord. Ça veut dire qu'elle se démerde, elle monte en Amazon, on n'en parle plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, aussi, mais bon, après, elle voulait une selle western, c'est son kiff. Bon, l'équitation, c'est son kiff. C'est son dada, quoi. C'est bien. Par jalousie, c'est parti en cacahuète, quoi. Oh, mais ça, c'est souvent, hein, mes grands-parents, je vous ai déjà raconté, un mariage, il y a des gens du village, ils ont pété un plomb, ils étaient jaloux des chaises, ils ont mis des coups de couteau dans les chaises. Normal. Non, mais c'est quoi cette. C'est ça, les rouveux. Mais dans ma vie, je te jure, c'est vrai. C'est un truc de ouf, quand même. Oui, méfiez-vous du. Méfiez-vous de vos voisins. Ouais, oui, bah ça. Mais ils ont déjà volé. Ils lui ont volé la machine à laver de cette pauvre dame. Elle a toujours une machine à laver, sinon on se cotise pour lui en acheter une autre. Non, elle l'a emmenée, bah, elle la ramène bientôt, là, elle rentre bientôt de vacances. Et on peut pas lui acheter un truc plus léger Bah écoute, le problème c'est qu'encore une fois, elle va faire l'aller-retour avec, sinon ils vont lui péter encore. Ouais. Déjà qu'ils l'ont volé son caméscope et qu'ils lui ont niqué les chaises, tu vois. C'est honteux. Mais quelle histoire. C'est abusé. Mais quelle histoire. Ça arrive qu'à la famille d'Amina, ça. Ouais, et encore, il y en a d'autres. Ah oui, bah j'imagine, ouais. Bon, bah merci Claude pour cette petite information. Mais de rien. Tu rappelles quand tu veux, évidemment, il n'y a pas de problème. Bah, y a pas de soucis. Salut Claude, à bientôt. Salut à tout le monde. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Nacho. Things gonna be

êtes sur Énergie, c'est Cédric. Bonjour tout le monde. Et oui, ce sera peut-être vous hein, qui allez gagner tout à l'heure jusqu'à 10 000 euros dans le Cash Cash Énergie chez Coé. C'est à 17h30. Vous inscrivez en envoyant Coé au 7-10-12 maintenant. Voilà, je vous souhaite bonne chance. En attendant, dans ce meilleur de son émission. Et derrière, ce sera que Black sur Énergie. Bon réveil. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Voici le classement des 10 choses, les filles, à ne jamais, jamais, jamais, jamais dire à votre chéri sous peine de le vexer. Ah, la musique, j'adore. Ok. Si tu m'aimais vraiment, tu le ferais. Jamais dire ça, jamais dire ça. Non. Ça s'appelle du chantage affectif, faut pas le faire. Si t'es pas content, retourne chez ta mère. Oh là là, non, faut pas dire ça non plus, hein. Vous avez de la chance qu'on assume plus notre poster de Lamborghini dans la chambre d'ado, sinon on y retournerait. Troisième phrase, tu m'achètes ça? Non, non, vous avez demandé la parité, vous avez une carte bleue, vous l'achetez vous-même. Pardon, pardon. C'est vrai, vous avez une violence. Oui, enfin. Laisse, je demanderai à mon père de le faire. Non plus, non, c'est moi le bonhomme, c'est nous les hommes. Maintenant, la télé, elle sera accrochée au mur de travers, bah, vous avez qu'à pencher la tête. C'est tout, on continue. Tu t'es brossé les dents et tu t'es lavé les mains. Non, ça, on n'aime pas. Miko, on n'aime pas. Non, on n'aime pas ça. Ben non, ça va, évidemment. Oui, oui, oui, oui. Enfin, pour Bichette, vite fait, voire non. Non, bah, dis donc, non. La pire, la pire, la pire. Dis donc, t'as pris du bide. Alors là, on vous demande si vous avez pris des cuisses. Non, franchement. Alors, non, on le renvoie pas, ça, généralement, parce qu'on a peur de s'en prendre voilà, une. Oui, c'est surtout ça. On continue. Ton frère, il est plutôt pas mal. Alors, faites gaffe avec cette phrase. D'accord, c'est le genre de truc qu'on prend très très mal. J'en vous en fais une autre. Attention, oui. Tu perds tes cheveux. Non, on le sait, ça, on l'a vu, ça tombe tous les jours. On peut plus se mettre l'arrêt en haut. On voit bien qu'il y a un problème, pas la peine de nous le rappeler. Il y a le « t'es gentil ». Ça, c'est horrible. Ça veut dire que tu passes dans la friend zone avec ta femme. Et là, c'est pire que tout. Ah, et ouais. Le dernier, si, si. « Faut qu'on parle ah, ». Bon, suivi avec notre prénom devant, plus de bébé, plus de chouchou. Non. Seb, faut qu'on parle. Oh, et quand c'est ton prénom sans diminutif, Sébastien, faut qu'on parle. Horrible. Oh la vache, donc je vais vous le dire. Alors que tout ça, quand t'es célibataire, tu ne l'as jamais. T'as pas le droit à toutes ces réflexions. T'es tranquille chez toi, tout seul devant la télé ou sur ton PC. Essayez d'enlever les virus que t'as pris sur des sites porno. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent le matin. Rampe comme un serpent, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage mais je suis sonné. Elle voudrait m'emprisonner ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va tout vite pour moi, oui Angela. N'en fais pas genre, Angela. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais j'suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Mariage, mais je suis sonné. Mon cœur est sous-zélé, donc ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil, pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi, tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais j'suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais j'suis sonné. Allez, boum, salut tout le monde. Bonjour, bienvenue, Énergie, c'est Cédric. Oui, bah, que sourire, comme d'hab.

C'est Cédric, on est mercredi. Salut, salut. J'espère que ça va ce matin. On va écouter Angèle et Roméo Elvis dans la playlist Énergie. C'est dans moins de 3 minutes. Juste derrière, vous retrouvez celui qui va doubler votre salaire à 7h05 et 8h05. Voilà, la classe. Inscrivez-vous à énergie.fr. Voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans 6-9. Heureusement, il y a Manu. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Voici l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose, c'est Glandu. L'énergie est notre avenir, économisons-la. C'est le slogan de... EDF. Eh ben non, pas du tout. C'est pas slogan d'EDF. Non, non, c'est une mention légale obligatoire. Non. Mais non, c'est leur slogan. Non, je te jure que non, c'est la loi du 13 juillet 2005 qui fixe les orientations de la politique énergétique et qui oblige toutes les publicités qui font la promotion de la consommation énergétique à avoir cette mention. D'accord. Et donc, mais c'est EDF, qui dit ça. EDF a commencé à la mettre et du coup, tout le monde s'est dit c'est le slogan d'EDF. Alors que non, pas du tout. En fait, c'est vraiment une mention légale obligatoire. Et je peux te le prouver. Bah, d'accord, je te crois, moi. Je peux te le prouver, c'est le concurrent d'EDF qui s'appelle Direct Energy. Et j'ai la fin d'une de leurs publicités, écoute. Appelez le 3099 ou connectez-vous sur directenergy.com. Service et appel gratuit. Voir conditions sur site, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Oh ouais. Ils le disent aussi, du coup. Dingue. Ah, bah ouais. Ah oui, donc c'est pas un slogan. Ah non, ils sont obligés de le dire. Mais c'est ouf! C'est dingue, hein! Mais à quel moment ça a merdé pour qu'on croit que ce soit le slogan? Bah, vu qu'au début ils avaient un peu le monopole et c'était un peu les seuls, et qu'ils le disaient, et c'est devenu un peu leur truc, quoi. Tac, tac. Ouais. Oh. En fait, EDF, ils se sont économisés une réunion slogan. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, mais du coup, comme tout le monde le fait aussi, c'est pour. Ouais, ça marche plus. Mais du coup, on connaît même pas le slogan d'EDF. Ah bah non. Ah non, ils en ont plus d'ailleurs. Ils en ont plus depuis 2 ans, 3 quoi ans. Ils économisent. Ouais, ils ont arrêté là. Ah ouais, ouais, le slogan est de notre économie. Donc bon, bref, d'accord, ok. C'est une mention légale. Autre info, un duel entre 3 personnes s'appelle un truel. Ah oui. On se pose jamais la question. C'est con. Là, mais on connaît le duel. Oui, c'est une forme très rare de combat. Parce qu'il faut que les trois adversaires veuillent s'entretuer mutuellement. Oh là là. Ouais. Un plus un, c'est pas 2 plus 1, tu vois, c'est pas 2 contre 1. Ouais, c'est vraiment 3 entités différentes. Moi, je tombe dans un truel. Imagine, par exemple, on doit faire un truel, Nico, toi et moi. Ouais. Forcément, c'est comme Koh-Lanta. Un moment, je vais aller vers Nico, je vais dire, allez, on tire que sur Glandu, quoi. Ah, non. Non, mais attends. Ouais. Et toi, je vais venir vers toi aussi. Je vais dire, attends, on tire que sur Nico. Ouais. Du coup, personne tire sur moi. Mais sauf que vous deux, vous allez vous voir aussi. Ouais. On tire que sur Manu. C'est un bordel. C'est compliqué. C'est galère. Ouais. Et dans le truel, il va en rester qu'un aussi, uniquement à la fin. Eh ben ouais, c'est ça. Dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, c'est un truel à la fin. Il va se tuer horrible. Les trois. Oh. Ah ouais. Ouais. D'accord. Une dernière info. Après cette info, vous ne dormirez plus jamais comme avant sur votre oreiller. 10% du poids d'un oreiller est composé d'acariens morts ou vivants et de leur déjection. Oh, mais non. Non. Ouais. 10%. C'est quoi ? Je savais, j'avais vu déjà des trucs à la télé où ils montent des acariens, tu sais, en gros plan, là, au microscope. Ouais. Voilà ce qu'il y a dans votre lit. Mais là, en plus, il y a leur caca avec. Ouais, c'est 10%. Oh. C'est un docteur Salman qui a mené cette étude. Oh. Et après 1 à 2 ans, 10% du poids de l'oreiller, c'est ça, en fait. Oh. Il y a aussi nos peaux mortes et des bactéries. Oh, mais c'est bon, là. Normalement, il y a des oreillers anti-acariens. Bah, ouais, il dit que même ça, c'est pas forcément efficace. Et l'automne, d'ailleurs, c'est la meilleure saison pour les acariens. On est en plein dedans. Ah, d'accord. Et à l'automne, ils font caca sur les oreillers. Et bien, ils se reproduisent beaucoup en automne. Sachez que quand vous dormez et que vous mettez votre tête sur l'oreiller, vous êtes en train de mettre la tête sur les gens qui font l'amour et qui font caca. Super. En vous souhaitant, bien sûr, évidemment, une bonne journée, un bon réveil. Voilà. N'oubliez pas de faire votre lit. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Sur Énergie. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée.

Bienvenue sur Énergie, 5h55, c'est déjà mercredi. Wow. Ouais. On aime le mercredi, on est tout en haut de la montagne. On a commencé à la gravir le lundi, le mardi on a galéré, le mercredi on est tout en haut de la montagne maintenant. Touchous pour descendre jusqu'en bas de la montagne, yeah. Là où nous attend le week-end. C'est bon ça. Ah, voilà. Autant dire qu'on est déjà en week-end. Ouais, ça y est. Soyez les bienvenus dans le week-end. On démarre l'émission dans 5 minutes, mais avant ça, comme chaque jour évidemment, c'est le club du 555. Tous les jours à 5h55, on se fait un petit plaisir, on s'écoute un titre. Et ben qu'on aime, oui. Un titre qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter, un titre qu'on n'écoutera pas dans l'émission, qu'on n'a pas écouté avant, un titre tout simplement qui nous fait plaisir. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un de l'équipe. Ah ouais. Oh. Mais je ne sais pas où il est. Ah bon, déjà c'est pas nous. Florian. Okay. J'appelle Florian. Ok. Ça se trouve, il est pas arrivé. Voilà. Ah si, il est arrivé. Florian, vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui travaille avec nous, qui fait des sons, qui mixe, qui enregistre, ouais, des choses et tout, qui arrive souvent le matin, plutôt vers 8h du matin, parce qu'il a du mal à se réveiller. Donc j'ai pris un risque en l'appelant. Ça va? C'est vrai. Ça va? Ça va à peu près bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas passé une bonne nuit. Oh, ouais. Bah pourquoi? Je sais pas, je suis pas au top. Ouais. Des fièvres. Oh bah oui, pas terrible. Ouais, pas terrible. C'est vrai, un petit peu malade? Ouais, vraiment. Oh bah non, mais t'es sorti hier soir? Pas du tout. Ah bon? Il faut dormir avec des chaussettes, hein? Ouais. Non, d'accord. Il a pas envie là. Non, là, il avait pas envie que je lui parle ce matin parce que bon bah il est 5h56. Ouais. Mais tu sais quoi? J'ai un cadeau pour toi. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Quel est le titre que tu m'as dit que t'aimerais, que t'adores quand je le mets dans le 5-5-5 ce week-end au Energy Music Awards? Tu m'as dit quoi? Que j'aimerais bien que tu mettes Emma Domas et Escobar. Eh ben exactement. Ah, eh ben c'est pour toi plaisir. Ce matin. Ça va me réveiller. J'adore ce titre et il m'a dit ça ce week-end. Je vais... Et pourquoi? Pourquoi je lui ferais pas ce petit plaisir? Ah, c'est sympa. Mignon. Hein. En plus, il est en train de décéder. Ouais. Donc vraiment, tu sais quoi? Franchement, si je dois assister à tes funérailles, je demanderai qu'on le mette. Oh, non, tout caché. Ça te fait plaisir ou pas? Pour mes funérailles? Oui. Oui. Emma Domas et Escobar sur Énergie, c'est Apple You Got Me. C'est vrai qu'on ne met jamais ce titre. Ah ouais. Il n'a pas eu le succès qu'il mérite. Ouais. Bienvenue sur Énergie. D'abord toi, mon petit Flo. Merci beaucoup. Va te soigner.